Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a reçu le discourant un message de félicitations du président turkménistanais Gurbanguly Berdimuhamedov à l'occasion du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Turkménistan et la République Populaire Démocratique de Corée. Le destinataire note que les deux pays maintiennent des relations amicales et coopératives basées sur l'œuvre commune pour le respect mutuel et l'égalité, le progrès et le développement, et qu'il espère élargir plus la coopération entre les deux pays. Exprimant sa certitude que les relations entre les deux pays se développeront davantage à l'avenir aussi, conformément aux intérêts des peuples de deux pays, il souhaite sincèrement paix, bien-être et prospérité aux camarades Kim Jong-un et au peuple coréen amical.